histoire particulière. En janvier 1945, les soldats SS évacuent le camp d'Auschwitz-Birkenau, entraînant des milliers de prisonniers dans les marches de la mort. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques qui entrent dans le camp ne savent pas encore qu'elles pénètrent dans le plus important rouage de la machine d'extermination nazie. Les soldats russes y découvrent moins de 10 000 survivants. L'état des hommes, des femmes et des enfants va montrer avec une cruelle évidence les horreurs du nazisme. Dans cet univers abject, des hommes et des femmes ont mis leur vie en danger pour sauver celle des autres. C'est le cas de nombreux médecins, souvent prisonniers eux-mêmes. Dominique Prussac et Anna Schmuck vous racontent aujourd'hui l'histoire du docteur Adélaïde Oval. C'est une histoire familiale. Lors de sa naissance, il a été demandé aux autres frères et sœurs de penser à un prénom. Et à l'époque, il y avait un roman qui s'appelait Heidi, qui a raconté l'histoire d'une petite fille. Et c'est ce prénom que les enfants ont proposé aux parents. Docteur Adélaïde Oval, ami des Juifs. Un documentaire de Dominique Prussac et Anna Schmuck. Frédéric Oval, je suis le neveu d'Heidi Oval. Hélène Oval, je suis une des nièces d'Adélaïde. Théodore Oval, je suis un des neveux d'Heidi. Christophe Keller, j'ai pas de lien familial direct avec Heidi Oval, mais je suis le petit-neveu de Berthe Plapper, avec laquelle elle a habité pendant plusieurs dizaines d'années, et je suis né dans leur maison. Eh bien, donc moi j'ai apporté une photo de l'arbre dédié à Adélaïde Oval dans l'allée des Justes. Cet arbre, donc au mémorial de Yad Vashem, a été planté par Heidi en 1966. Alors c'est indiqué que c'est un caroubier qui se trouve le long d'un petit muret sur une colline. Et je vois qu'il y a des feuilles dans le cadre. Et il y a une feuille, oui, il y a une feuille de cet arbre. Il y a aussi une photo de la plaque. Christophe. Moi, j'ai amené trois objets. Une lettre adressée par ma maman à la belle-sœur de Heidi, la maman de Hélène, Frédéric et Théodore, dans laquelle elle relate les jours suivant ma naissance. C'était pendant l'hiver 62-63, donc maman se souvient que Heidi se relevait chaque nuit pour descendre à la cave et remettre du charbon dans la chaudière afin que le bébé ne risque pas de prendre froid. Et le bébé, c'était vous ? Et le bébé, c'était moi. Le deuxième objet, c'est une cassette donc de musique, quatre mains avec Christophe, de l'écriture de Heidi, avec des commentaires. C'est très flatteur, pas mal, mignon. Là, je vois Dvorak danse, je commente un peu, parce que c'est très bien écrit pour un médecin. On dit que les médecins écrivent très mal. Mais là, on comprend très bien. Oui. Beaucoup de Dvorak, un peu de Schumann, Bizet, voilà, oui. Voilà, et là, il y a un commentaire... qui correspond à la réalité. Avec Christophe, cela pourrait être bien pour certains morceaux. Quel dommage, je ne travaillais pas assez. Christophe, on pourrait peut-être écouter un morceau que vous avez enregistré avec Heidi, non ? De cette ancienne cassette. Oui, donc on peut écouter la danse slave, donc c'est la opus 72 numéro 2 de Dvorak. Heidi joue la partie en bas du piano. Et vous êtes donc dans l'aigu, alors, si j'ai bien compris. On va écouter tout de suite la cassette. On va la sortir de l'enveloppe. On va l'introduire dans le lecteur. Jouer aussi de la musique en déportation. Vous le saviez, ça ? Oui, ça, c'est un souvenir qu'elle avait partagé avec nous. L'histoire de dire à la libération du camp, on a était joué sur le piano de, je crois que c'était la gardienne en chef, et joué la Marseillaise, entre autres. Oui. Elle a évoqué ses souvenirs de déportation avec vous ? Non, très peu. Très peu. C'était vraiment pas le sujet qu'on pouvait aborder avec elle. Vous connaissiez son parcours et son passé à l'époque ? Alors, enfant, non, je n'avais aucune notion. Je sais qu'un des très anciens souvenirs que j'ai d'elle, j'étais vraiment petit. Elle m'a montré son numéro sur son bras et elle m'a dit « Mais est-ce que tu penses que je dois l'enlever ?» Et je lui ai répondu « Non, surtout, c'est très élégant, surtout ne l'enlève pas. » Et elle m'a dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. » Devenu adolescent un peu plus âgé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. » Et elle m'avait répondu, alors c'est peut-être pas la même chose pour mes frères et sœurs, mais elle m'a répondu « Mais à quoi ça te servirait ?» Et elle avait aucune envie de m'en parler, quoi, voilà. Ça aurait cassé les moments de bonheur, hein, je pense, voilà. Je comprends maintenant. Ouais. Une seule fois, j'ai réussi à lui faire parler parce que Hatt, une personne qui était donc à Ravensbrück avec elle, était là aussi. Et donc, elle m'a juste raconté le jour où elle a vu l'officier russe derrière les barbelés, le premier officier russe qui arrive et qui découvre le camp. C'est ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit « Maintenant, t'es content, on passe à autre chose. » Hatt, c'était Hattbrör ? Hattbrör, oui. Mmh. Et on précise qu'Hattbrör était une dessinatrice qui a réalisé des portraits à Auschwitz sur les déportés et notamment sur Adélaïde Oval. Oui, tout à fait. Oui. Mais Hatt, je l'ai connu faire des portraits de nous. Voilà. Les dessins de Hatt, faits par elle à Ravensbrück, je les ai vus après la mort de Heidi seulement, lorsqu'un livre a été publié. Il a fallu attendre qu'elle soit décédée pour que je découvre des choses terribles. Et j'ai vécu des années avec elle, des instants de bonheur. Sans le savoir, hein, même jusqu'à être jeune adulte. C'est-à-dire qu'on avait comme slogan dans la famille, mon papa Heidi aussi, la vie est belle. Et devenu adulte, Heidi partie, avec le manuscrit d'Heidi, je me suis posé la question, est-ce que mon père m'a menti ? Est-ce que Heidi m'a menti ? Est-ce que la vie est vraiment belle, quoi ? Hélène, vous partagez l'émotion de votre frère ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas tout à fait la même expérience sur le témoignage. C'est vrai que assez jeune, vers l'âge de 13 ou 14 ans, elle m'a parlé de son expérience, mais à travers un travail qu'elle était en train de faire pour le livre Chambre à gaz secret d'État, auquel elle a participé fortement, entre autres à travers certaines traductions de documents, si je me souviens bien. Et c'est dans cette période-là qu'elle a tenu à partager quelque chose avec un cousin à moi qui était également présent, qui avait le même âge que moi. Mais c'était à travers le témoignage de quelqu'un d'autre, en quelque sorte. On savait qu'il y avait quelque chose, on savait qu'il y avait des souvenirs qu'il n'était pas opportun de raviver. Donc on parlait d'autre chose. De toute façon, ma tante était tournée vers l'avenir et pas du tout vers le passé. Et les sujets allaient rapidement sur d'autres voies. Je suis convaincue que tous les événements terribles dans le monde débutent par de simples actes de lâcheté. À Auschwitz en particulier, nous, médecins prisonniers, avions à affronter la terrible question des sélections. Les SS nous demandaient de décider quel déporté était trop malade ou trop faible pour arriver à travailler correctement. Et si nous sélectionnions ces personnes, nous savions parfaitement qu'elles seraient immédiatement expédiées dans les chambres à gaz. J'ai refusé d'écrire « incapable de travailler » sur aucun rapport médical. Adélaïde Oval. Marie-Yvonne Braunschweig, vous êtes historienne. Vous êtes également co-auteur avec Georges Hoppmann du livre « Docteur Adélaïde Oval, amie des Juifs ». Qui était Adélaïde Oval ? Adélaïde Oval est née le 1er janvier 1906 dans la famille d'un pasteur protestant réformé. Elle est la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Le père était le pasteur du Oval où il a construit l'église réformée avant de partir 11 ans après à Guebwiller, un peu plus au sud en Alsace, où Adélaïde a grandi, est allée au collège, puis est allée faire des études de médecine à Strasbourg. Précisons que, vu la date de naissance, elle était alors en Alsace allemande, l'Allemagne impériale. Donc elle est parfaitement bilingue, français et allemand, plus l'alsacien bien entendu. Elle est devenue médecin psychiatre après des études à Strasbourg, a fondé avec son frère et une autre sœur un institut pour enfants en difficulté dans le village du Hauwald, le village où avait été le pasteur, son père, et dans une maison qui avait appartenu à sa mère. Avec son frère Emmanuel, elle crée un institut pour enfants en difficulté, pour enfants nerveux, et elle y travaille un petit peu, mais elle travaille aussi en hôpital psychiatrique, car c'est sa spécialité, et en particulier donc pour les enfants. En 1939, au moment où la guerre est déclarée, toute la bordure de l'Alsace le long du Rhin est vidée de ses habitants, et c'est ainsi que les malades de l'hôpital psychiatrique de Strasbourg sont évacués, d'abord au Hauwald, dans la maison des frères et sœurs Hauwald, puis ensuite dans le Périgord. Donc elle les suit, elle part avec eux, et elle trouve une place comme interne dans un village qui se trouve sur la ligne de démarcation. Cette ligne créée au moment de l'armistice de juin 40, sépare la France en deux moitiés pour faire vite, la zone nord étant directement occupée par les Allemands et la zone sud ne l'étant pas encore. Et puis en 41, elle demande un poste qu'elle obtient à la fin de l'année à Lannemezan, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, et elle devient interne à l'hôpital psychiatrique. En février 42, elle apprend que sa mère est décédée à Guebwiller. Elle se rend à Belfort où vit sa sœur, et puis au retour, elle décide de faire un détour en passant par Paris pour se rendre à Limoges où vit une de ses bonnes amies. Elle était en effet cheftaine éclaireuse, responsable en Alsace, et elle passe donc par Paris. Et elle met sa valise, qui pèse quand même 18 kilos, au bagage accompagné. Quand elle arrive à Limoges, la valise n'a pas suivi. Et voilà que pour une valise perdue, tout va s'enchaîner et une histoire extraordinaire va transformer la vie d'Adélaïde Hauwald. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le grain de sable qu'est la perte de sa valise. C'est à cause d'une valise perdue que tout est arrivé. Je veux dire, c'est un événement complètement insignifiant et qui a amené une personne à faire ce parcours-là. Et un parcours qui a marqué énormément de personnes. Elle a dans l'idée que la valise a été bloquée à Vierzon. Elle y retourne donc à la fin du mois, le 28 mai. Et là, le hasard fait qu'elle se trouve en tête à tête avec deux Allemands qui revenaient d'une inspection dans les camps d'internement du sud de la France. Et elle les entend parler et dire pique-pendre de la France. Elle qui est d'une famille ultra-patriote, qui l'est profondément et qui est très anti-nazie, elle ne peut pas ne pas répliquer. Et elle réplique en allemand puisqu'elle comprend la langue et qu'elle la parle. Et là, c'est évidemment un gros incident qui lui vaut d'être arrêtée pour défaut d'Ausweis, car elle était revenue à nouveau sans Ausweis, et alors qu'elle aurait dû rentrer le soir même à Lannemezan, sans avoir retrouvé sa valise d'ailleurs, eh bien, on la met en prison à Bourges, et elle reçoit une peine jusqu'à début juillet, jusqu'au 5 juillet à peu près, un peu plus d'un mois de prison. Et puis là, les choses s'aggravent. Alors que ça aurait dû s'apaiser, l'incident n'était quand même pas énorme, voilà que dans sa cellule, arrive quelques jours après qu'elle y soit entrée, arrive une femme juive porteuse de l'étoile jaune, ce qu'elle ne connaissait pas, puisque ça vient d'être institué le 7 juin. Et cette femme est donc là pour avoir tenté sans doute de franchir la ligne de démarcation et sans doute parce qu'elle ne portait pas l'étoile, on la lui a fait coudre immédiatement. Adélaïde Oval découvre cela. Elle est scandalisée et comme elle peut, elle se fabrique une étoile en papier. Quand le lendemain, les gens de la Gestapo viennent chercher cette dame juive pour la transférer dans un camp pour juifs, eh bien, Adélaïde a son étoile fabriquée main et en plus, elle interpelle les Allemands pour leur dire que c'est inadmissible. Alors ça n'arrange pas ses affaires et voilà que le responsable de la Gestapo du secteur lui dit « Puisque vous les aimez tant, parlant des Juifs, vous partagerez leur sort. » Et voilà qu'au lieu d'être libérés le 5 juillet, comme ça aurait dû être le cas, voilà que le 15 juillet, elle est transférée, elle aussi, au camp de Pithiviers, après qu'on lui ait fait coudre un bandeau ami des Juifs et une véritable étoile jaune en tissu, comme le portaient les Juifs à l'époque. C'est-à-dire qu'elle ne laissait rien passer. Alors, elle ne voyait pas ça comme un acte héroïque personnel, mais le fait que sa conscience, se trouvant face à une injustice en train de se commettre et à un comportement inacceptable, passait avant sa sécurité personnelle. En tout cas, si je reviens à des souvenirs d'enfant, son comportement quotidien, c'était ça, elle ne laissait rien passer. Alors il y a des côtés anecdotiques qui n'ont rien ni d'héroïque ni de moraux. Elle terrorisait les commerçants de gros lait. Le boucher qui vendait quelque chose qui n'était pas comme il fallait, il s'entendait dire. Et donc ça arrivait une fois, ça n'arrivait pas deux. Ouais, elle avait en fait l'éthique en elle, parce que vous parlez d'éthique quand vous évoquez Adélaïde. Hein. Absolument. Bon, elle est fille de pasteur, donc il y a une part d'éthique, d'impératif catégorique, tel qu'il vient un peu de la religion protestante, je pense. En janvier, le 23 janvier, elle est transférée à Compiègne avec au total 230 femmes qui montent le 24 janvier 1943 dans un train déjà formé en gare de Compiègne. Ce train emmène près de 1500 hommes déportés vers Sachsenhausen. C'est le premier grand convoi de déportation d'hommes politiques, résistants, et également ont été accrochés à la fin du train deux wagons dans lesquels se trouvent ces 230 femmes, dont la moitié sont des communistes et des noms souvent connus. C'est la première déportation de femmes autres que juives, qui sont des femmes résistantes ou des politiques communistes ou gaullistes ou polonaises opposantes à l'occupation en Pologne et résistantes en France. Et parmi ces femmes, il y a quelques femmes très célèbres, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, Danielle Casanova, Charlotte Delbo, qui sera célèbre plus tard et qui est alors secrétaire de Louis Jouvet. Elle est avec, elle est dans ce train. À l'arrivée à Auschwitz, car c'est à Auschwitz qu'on les envoie, et cela c'est unique, car à Auschwitz n'ont été envoyés de France que des Juifs, sauf deux convois de politiques et puis un autre par accident plus tard en 1944, c'est autre chose. Et après trois jours, elles arrivent à Auschwitz. Et là, à peine arrivée, elle est séparée des autres 230 femmes parce que les Allemands du camp ont besoin d'une femme. Et alors elle parle allemand, elle est médecin. Et il y a dans le camp de Birkenau le Revier, l'infirmerie. Je suis spécialiste en psychiatrie et souvent, le comportement des Allemands m'a rappelé les attitudes psychologiques de certains arriérés. Au fond, ce sont des faibles qui cherchent toujours à dissimuler leurs faiblesses sous des rêves de compensation. Et si on leur tient tête un peu, ils sont sans réaction, ils sont démontés. Certains de ces messieurs ne sont pas très forts en connaissance médicale. Il est relativement facile de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Comme par ailleurs, ils ne tiennent pas à ce qu'on s'aperçoive de leurs lacunes, ils laissent passer plus de choses qu'ils ne voudraient. Mais ils se méfient beaucoup de nous. Je m'appelle Mylène Veil, Je suis née en 1922 et ma famille est d'origine juive depuis des lustres en France et en Lorraine en particulier. Je me suis retrouvée à Auschwitz-Birkenau début mars 1944. On était bien sûr dans des wagons à bestiaux, les portes s'ouvrent à 4 heures du matin ou je sais pas quelle heure, de bonne heure, on est frigorifié, on ne sait pas où on est, on comprend rien, il y a des réverbères partout, et il y a des chiens qui aboient, il y a... Bon, par chance, c'est moi qui étais du bon côté, vous savez qu'il y avait un côté à droite, à gauche, et j'étais du bon côté. Donc je suis entrée dans le camp avec, on était 37 femmes seulement ce jour-là, à entrer dans le camp. Bon, alors, je vous passe tous les autres détails que tout le monde connaît, la quarantaine, les travaux à l'extérieur, les chiens qui marchent à côté de vous pendant les longs trajets sur le lieu de travail. Des travaux complètement ridicules, on découpe des carrés de terre, des carrés d'herbe, et puis on va les remettre à côté. On ne comprend rien, ce qui est une difficulté supplémentaire à la vie quotidienne. Et puis, un jour, j'étais trop fatiguée, ou je ne sais plus comment ça s'est passé. Bref, je me suis retrouvée au Révir, à l'hôpital. Et j'ai une image très précise d'avoir vu en face de moi une femme médecin et de lui avoir dit, ça m'est sorti comme ça, vous avez une tête de cheftaine d'éclaireuse. Elle avait aussi, j'avais repéré qu'elle était française, parce qu'on avait un F pour marquer qu'on venait de France. Bref, je retrouvais quelqu'un que j'avais dû voir ou connaître quelques années avant, quand en Lorraine, je faisais du scoutisme, et que les éclaireuses de Nancy s'étaient retrouvées avec les éclaireuses de Strasbourg. Or, elle était commissaire de quelque chose. Mais je pense que j'ai eu aussi ce réflexe de me dire « voilà quelqu'un que je connais ». C'est pas facile d'être seul au milieu de cette foultitude de bonnes femmes. Et c'est pour ça que ça m'est sorti de lui dire, avec un franc-parler un peu irrévérencieux, mais je pense que la révérence n'avait pas lieu là-bas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, à l'hôpital, elle m'a... un petit peu, comme ce qu'on peut dire, « eu à la bonne », entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu une soupe particulière. J'ai un souvenir d'une soupe dans une grande gamelle en porcelaine, alors que habituellement, toutes les gamelles étaient en fer plus ou moins émaillé. Enfin, et une soupe, ce qu'on appelait la soupe blanche, qui était une soupe qui était en principe destinée aux femmes enceintes. Alors il faut dire que les femmes enceintes avaient donc ce régime particulier, mais qu'ensuite le régime n'était pas particulier parce qu'elles s'en allaient à la chambre à gaz ainsi que leur bébé. Bref, j'ai donc eu une fois en tout cas une soupe blanche et j'ai ce souvenir de cette soupe avec trois petits pois qui se promenaient dedans. C'est tout ce que je peux raconter de là, mais je pense que c'est grâce à cette Madame Oval que je suis, en sortant du Révir, que j'ai été envoyée dans un bon commando qui s'appelait le commando du Canada. Tout le monde a entendu parler de ce Canada où on triait les vêtements de ces malheureux qui arrivaient et on avait la chance quelquefois de trouver un bout de pain ou un bout de sucre dans les poches, ce qui n'était pas négligeable. Je pense que c'est par son intermédiaire et celle de Mala la Belge, qui était une fille absolument extraordinaire, qui, comme interprète, avait un peu ses allées et venues libres dans le camp. Elle était un peu le porte-parole quelquefois des déportés, mais c'est elle qui a passé probablement à celui qui faisait les engagements dans un commando ou un autre. C'est un peu difficile à expliquer. Enfin bref, mon numéro a dû être passé pour que je sois dans ce bon commando. Et ce qui certainement m'a remise un peu sur pied et a permis que je fasse la suite sans trop de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup d'années après, plus de 70 ans après, vous pensez que Adélaïde Oval vous a sauvé la vie ? J'en suis presque sûre, parce que je pense que c'est elle qui a dû donner mon numéro, puisque vous savez qu'on n'avait plus de nom, mais que notre identité, c'était un numéro. Donc elle a dû donner mon numéro à cette la Belge qui servait d'intermédiaire en fait entre les Allemands et le peuple des détenus. Et que c'est peut-être grâce à ça que j'ai abouti donc ce commando Canada qui m'a permis de me refaire un peu une santé, voilà, me reposer. Marie-Vonne Braunschweig, comment pourriez-vous définir Adélaïde Oval ? Je vais me permettre de reprendre cette formule lapidaire et admirative de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qu'il a donc bien connue et qui pourtant n'était pas du tout du même bord au point de vue des idées dans un certain nombre de domaines, mais qui avait été sa camarade de déportation, et elle disait « Heidi, c'est une conscience ». La psychologie des camps de concentration. Nul qui n'y a passé ne peut s'en représenter la sombre et inquiétante complexité. Un torrent qui charrie de la boue, et encore de la boue. Des remous irrésistibles. Des plantes qui essaient de se retenir, mais qui sont entraînées malgré elles. Et ça et là, seulement quelques rochers fermes qui représentent la sécurité, le soutien. Comment expliquez-vous que, finalement, c'est 30 ans après sa mort que l'on commence à beaucoup parler d'elle et qu'on commence à évoquer ses actes héroïques, en tout cas sa permanence à essayer de sauver un maximum de femmes déportées à Auschwitz? Elle était, parmi les résistants ou les héros de la guerre, quand même quelqu'un de très atypique. Elle a eu besoin d'une presque une vingtaine d'années pour obtenir sa carte de résistante, parce que le fait d'avoir été envoyée en camp de concentration en tant qu'amie des Juifs et pas en tant que ayant fait de la résistance disons guerrière ou active politique était quelque chose d'extraordinaire, et je pense que c'est la seule dans ce cas-là en fait. Elle était ni de la résistance communiste ni dans la résistance gaulliste, elle était nulle part. L'idée que ce soit publié après sa mort, que ce soit publié surtout, quoi, c'était toute l'affaire du négationnisme qu'elle a entendu un ou deux ans avant son décès, le retour de propos antisémites, racistes, et une contestation de faits historiques qu'elle avait vécu, donc elle pouvait témoigner que c'était vrai. Et subitement, des gens en France, en Europe, qui nie ça, pour elle, ça a été terrible. C'est pour ça qu'elle a repris son texte de 46 pour en faire un livre et qu'elle a demandé à ce que ce soit publié, mais après sa mort. Les Allemands ne permettront pas aux gens qui savent ce qui se passe ici de reprendre contact avec le monde extérieur. Donc, pour le peu de temps que nous avons encore à vivre, la seule chose qui nous reste à faire est de nous comporter en êtres humains. C'était Dr Adélaïde Oval, amie des Juifs. Ah là, ça, je pense que c'est toi. Merci à Hélène, Frédéric et Théodore Oval. Oui, j'en suis sûr, oui, même. Oui, oui, t'as raison. Voilà, Heidi et moi, donc. Donc là, vous avez Heidi, donc c'est son... Quoi, j'ai moins d'un an, là. Merci à Christophe Kessler, Marie-Vonne Braunschweig et Mylène Veil. Lecture, Gabriel Forest. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Yvan Turc, Marie Le Peintre. Mixage, Jean-Michel Bernot. Un documentaire de Dominique Prussac, réalisé par Anna Schmuck. La suite de l'histoire d'Adélaïde Oval, ce sera demain à 13h30. Attention, ce second épisode peut heurter les auditeurs les plus sensibles. Mais pour l'instant, il est 14h, nous retrouvons Antoine Guillot pour notre séance cinéma.